Infoline 0320 03 69 06 ou 06 78 35 97 95. L'association La Voie Lactée organise un stage de chant technique et de respiration pour adultes du lundi 24 au vendredi 28 avril. Chaque jour, de 18h30 à 20h30, au 80 rue de Trévise à Lille. Inscription sans plus attendre, 0320 53 61 94 ou sur lavoielactée.net. Salon du chat, exposition féline, samedi 22 et dimanche 23 avril, de 10 à 18h30 au parc du Rivage Expo Guéant de Douai. 400 chats de toute race, dont certaines très rares, participeront au concours de beauté, chapeauté par 11 juges internationaux. Renseignements 0320 86 85 39. Première demi-finale du tremplin régional de danse urbaine 2006, dimanche 23 avril 16h30, Savoge et Saint-Landreau, Waterloo. Des compagnies amateurs de hip-hop venues de toute la région Nord-Pas-de-Calais auront la possibilité de se mesurer aux autres. En clôture de soirée, les compagnies professionnelles venues du monde entier invitées assureront elles aussi le spectacle qui s'annonce particulièrement attractif. Renseignements dans la rue La Danse, 0320 01 02 10, réservation, Office de Tourisme Waterloo, 0320 75 85 86. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Energy, fun, skyrock, no. Galaxy, the one and only for you. Michael H sur Galaxy. KLH sur Galaxy. Galaxy. Michael H sur Galaxy. Michael H. We'll be right back. KLH sur Galaxy. Clash sur Galaxy. Radio Galaxy 95.3. We'll be right back. sur Galaxy. sur Galaxy. Michael H. sur Galaxy. Galaxy. Nash sur Galaxy. Galaxy. c'est Michael H sur Galaxy. Michael H. DJ Michael H sur Galaxy. International KDEuro Basket Solidarité les 16 et 17 avril à l'ERS. Les bénéfices de ce tournoi seront reversés à Médecins Sans Frontières pour l'Asie. Infoline 0320 03 69 06 ou 06 78 35 97 95.